Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Nos Cultures. On l'a appelée La Boîte à Gants parce que dans cette nouvelle émission, que vous retrouverez toutes les deux semaines sur Radio Nos Cultures, il y aura à peu près tout et n'importe quoi. Préparez-vous à écouter des interviews, mais aussi des analyses, des simples opinions. Et pour faire ça, toutes les deux semaines, donc, comme je l'ai dit, on sera quatre, plus ou moins à chaque fois. Quatre voix que vous avez déjà entendues, notamment sur Non Essentiel, que vous pouvez retrouver sur archive.org. Et la première voix que vous connaissez déjà, c'est Sébastien. Ça va, Seb ? Bien, et toi ? Ça va très bien. Merci de demander pour la troisième ou quatrième fois. Parce qu'effectivement, c'est peut-être moi qui fais n'importe quoi, mais c'est la quatrième fois qu'on commence cette émission. Et donc, non, nous ne sommes pas en direct. C'est du faux live. Voilà, on ne coupera rien, mais effectivement, on a dû commencer quatre fois pour que ça marche. Seb, donc, tu es musicien, tu es passionné d'audiovisuel en général. Tout à l'heure, je t'ai demandé deux émissions télé à nous recommander. Tu m'as dit les deux spin-offs principaux qu'on voit en ce moment, donc Spin of Seigneurs Anneaux et de Game of Thrones. Est-ce que tu as autre chose ? C'est ça. La série C. La série C. S-E-2-E. Que tu regardes beaucoup avec Jason Momoa. C'est ça. Très bien. À côté de toi, avec le micro jaune, Oscar. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel. Depuis un jour qu'on est là à faire la putain d'émission. Ouais, ça fait, je crois, mais c'est avec plaisir. C'est la troisième ou quatrième intro qu'on fait ? Quatrième. C'est la quatrième intro qu'on fait à chaque fois quand j'essaie d'être différent pour ne pas les lasser. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Bien, pour l'instant, en tout cas, ça marche, ça enregistre. Toi, tu es musicien, tu es surtout assez dans les, on va dire, pas dans les classes. Je suis dans le classique maintenant, ça fait 50 ans, tu es très punk. On va dire que ta musicalité a commencé avec le proto-punk et hip-hop et ensuite avec le punk. Exact, je ne suis pas si vieux que ça, mais voilà. Choses que j'aime, c'est, ça vient de loin en fait. Tes goûts sont un peu vieux, on va dire. Oui, exact, un peu vieux. Tu es guitariste, toi ? Je suis guitariste, mais j'ai fait un peu de tout. Très bien, et j'ai pas dit, mais Seb, tu es batteur. C'est ça. De formation, on va dire. Ouais. Et Bichente, ça va ? Ben ça va et toi ? Ça va très bien. Toi, tu n'es pas musicien, non. Mais tu es un radiophoniste accompli maintenant avec tout ce que tu as fait sur Radio Nos Cultures. Exactement. On commence à te connaître. Exactement. Et j'adore le punk. T'adores le punk comme je connais. Mais moi, je suis un peu plus jeune, donc j'aime le punk un peu plus. un peu plus jeune. Non, pas du tout, en plus. En plus, même pas du tout. Non, j'aime à peu près les mêmes choses qu'Oshka. Oui, t'es mais... plus ou moins dans la même veine qu'Oshka. Il y a j'ai vieilli, en fait. Mais en mieux. Quoi ? Mais en mieux. Non, mais d'accord. Ouais, mais... Oshka en plus jeune, en plus beau et en mieux. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, mais c'était l'un de son album préféré et il parlait le même que moi en fait. Non, c'est bon, d'accord avec Oshka. On va laisser ça à l'appréciation de nos auditeurs et de nos auditrices. Donc, cette émission qui s'appelle Bichente, qui s'appelle La boîte à gants, parce qu'on y trouve à peu près de tout. Et donc, préparez-vous chaque semaine, toutes les deux semaines plutôt, on verra comment ça se passe, hein, mais plutôt toutes les semaines, à avoir quasiment un concept par semaine. Ça peut être un quiz, ça peut être une interview, ça peut être de simples opinions sur une série télé ou autre chose. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Bye. Et bien alors, c'est Let's parti. Go. On est parti pour la boîte à gants. On est donc dans la première émission de la boîte à gants. La boîte à gants qui n'est même pas un format, qui est un amalgame de futurs formats selon nos envies. Mais pour cette première émission, on a décidé de se présenter tout simplement et de chacun choisir deux chansons. Comme ça, vous, auditeurs et auditrices, vous saurez à qui vous avez affaire. Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi, je vais commencer par moi-même avec un groupe que vous deux, Bichette et Oshka, vous n'aimez pas. Ouais, c'est un peu de la merde, mais ça va. Oh, on aime, mais voilà, c'est pas... Oui, non, c'est mais pas ça fou, va, en ça fait. Ouais. Des opinions très, qui apportent beaucoup de subtilité, merci. Non, c'est mot pour les gens mou, en fait. Très radical. Mainstream. Dans ce qui est bien, c'est de la merde. Ouais. En gros, c'est ça. On va commencer par donc, un de mes groupes préférés qui vient de se faire descendre sur cette radio, qui s'appelle Muse, que vous connaissez sûrement. Mais vous connaissez sûrement Muse pour à partir du troisième, quatrième album, surtout le quatrième. Moi, surtout le début que j'aime, qui sont un peu plus débiles, un peu plus punk. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Non. Non, non. Même malgré la vidéo que je t'ai envoyée il y a deux semaines, où on les voit, c'est sur un live de la chanson Bliss. Ça, c'est rock. En 2001. C'est plus, mais c'est pas punk. C'est pas punk, c'est rock, pardon. Excuse-moi, Oshka. Voilà, c'est incroyable d'être aussi punk et aussi conservateur en même temps. Aussi talivant, ouais, exact. Mais c'est une grosse contradiction qu'on a tous. Mais c'est comme quand on m'explique que les Red Hot Chili Peppers, ils étaient punk au départ. Non. Ils étaient un peu plus fous, mais ils n'étaient pas punk. Ah, ben ça dépend, ce que tu parles de leur musique ou tu parles de leur style de vie de leur attitude, notamment. Je ne sais pas si vous avez regardé la série. Quelle série? Woodstock 99, où ils jouent leur concert à poil. Tout le monde dit oui, ils jouaient tout le temps à poil au début. Oui, ben, est-ce que ça fait des punks? Non, non, non. Non, et non, ça c'est des gros hippies. Je ne sais pas, c'est des gros drogués, ouais. Ce qu'ils étaient en fait. Wow. Après, est-ce que les punks c'est des drogués ou il y a au-delà quelque chose après? Bien sûr que sachant que des drogués. C'est Oshka qui pose la question. Exact. C'était aussi des drogués. Il est fait exprès. C'était aussi des drogués. Mais pas que. Mais pas que, bien sûr que non. Bref, pour l'instant, on va écouter Muse qui est ma sélection. On va chacun sélectionner. Ils sont pas nus, qui sont pas drogués. Ils sont pas nus, drogués, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas sûr. Je vais re-raconter cette anecdote puisqu'on a déjà raconté dans cette émission, sauf que oui, je n'en enregistre pas. Que apparemment sur cet album-là, donc le second Origin of Symmetry, ils ont composé l'album Sous Champignon, ce qui aurait donné cet aspect très psychédélique. C'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, mais vu l'antécédent des protagonistes, ça ne serait pas si étonnant que ça. Moi, je mange plein de cèpes et ça m'est jamais sorti d'album. Hein. Avant de commencer l'émission, on avait dit on arrête les blagues nulles. On avait dit ça, pourtant. Bah, j'ai essayé, je tentais. Bon, attendez, on écoute Muse avec Hyper Music sur le second album de Muse qui s'appelle Origin of Symmetry. C'est parti. Muse avec Hyper Music sur le second album qui s'appelle Origin of Symmetry, qui est certainement un des meilleurs albums de Muse, en tout cas d'après les fans dont je fais partie. Fait partie de la première trilogie que moi j'ai connue quasiment d'un coup, puisque je crois que quand j'ai connu Muse, le troisième album sortait deux mois après, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça a quasiment été une trilogie faite à la base, et puis le reste est rajouté ensuite. Voilà, Muse. Mais ça envoie, hein. C'est bien. Ouais, ils sont pas lui, ils sont pas drogués, mais ils sont bien. Ils sont pas drogués, ça reste à définir. On sait ça. Pas, hein. Je l'ai dit dans une autre émission de de la Patagonie qui était il y a à peu près 12 minutes, mais pour le rappeler, enfin pour le dire aux auditeurs et vous le rappeler à vous, le chanteur a déclaré que s'il avait, il avait pas eu la musique, il serait certainement mort à 25 ans d'une overdose d'héroïne. Ça c'est punk. Et ça c'est punk, ça c'est non. Punk ça non. C'est punk, n'importe qui peut mourir d'une overdose d'héroïne. C'est vrai. C'est pas parce que tu prends l'héroïne que t'es punk. Oui, mais quand t'es punk, donc tu prends l'héroïne. Quand t'es musicien, ça marche pas. Non, mais non. Mais tu peux pas juger quelque chose qui est punk ou pas punk par rapport à l'héroïne. Tu juges d'abord par rapport à la musique. D'accord. Oui, mais est-ce qu'on peut être punk dans l'attitude sans être punk dans la musique? Est-ce que c'est possible ça? Oui, je pense que oui. Ouais. Les bons exemples, c'est Red Hot Chili Peppers. C'était vraiment avec l'héroïne. Donc, Flea et Jean Fulciante. Donc, dans Koshka, pour toi, eux, c'était des punks dans l'âme, pas dans la musique, c'est ça? Je connais pas trop Muse, mais... Je parle des Red Hot. Exact. Pour, ouais. Pour toi, Red Hot, c'est des punks. C'était des punks, voilà. Pas musicalement, mais dans la vie, oui. Et toi, t'es pas d'accord avec ça, je crois, t'as dit ça tout à l'heure. De quoi? Que les Red Hot, c'est des punks. Non, je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que leur musique n'est pas punk et puis leur comportement est très américain, pas du tout. Moi, je considère que le punk est assez anglais et moi, c'est ce qui me manque énormément dans les Red Hot Chili Peppers, c'est-à-dire que leur musique est pas terrible et puis ils sont comme tous les Américains dans le paraître plus que. Alors déjà, la musique est pas terrible. Bon. Ouais. Moi, je suis pas fan. Voilà. Déjà, merci. Voilà. Oscar, tu veux dire quelque chose? Ok. Ouais. Sur les paraître, je suis tout à fait d'accord parce que chacun il a. Façon de se comporter, de faire des choses différentes, mais cela dit, au-delà de la musique, c'était punk dans les comportements, mais pas éthiquement, tu vois, c'était juste des drogués, tu vois, des machins, quoi. Est-ce que drogué, c'est voilà, punk, exactement, c'est ça. Et on revient au même. Est-ce que punk, ça veut dire drogué ou un comportement vraiment mais... classique, machin? Non, justement pas. Mais moi, je vais prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire que j'ai été voir la dernière fois un concert NoFX, qui est considéré comme un groupe punk. Exact. Et NoFX, moi, ce qui me fait chier avec eux, c'est-à-dire que le mec sur le scène, il prend une bouteille de vodka, il se la siffle en 2 minutes et demie, mais il fait ça parce qu'il est punk, alors que quand tu prends les Anglais, souvent, ils le font naturellement parce qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont déjà comme ça à la base. Les Américains, ils font ça. Je trouve que NoFX surjoue le punk. Ils jouent au punk, alors ils sont pas punk, mais ils jouent au punk. Oui. Je suis pas du tout d'accord. Après, en fait, il y a des questions culturelles. Donc, les anglo-saxons, donc anglais ou australiens, qui se la met à donf, et ils se la met vraiment cher, quoi. Tu les vois, ils sont vraiment drogués, alcooliques, etc. C'est cool, mais finalement, c'est la façon de faire sur les NoFX. Même si c'est un jeu trop, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont do yourself, ils le font machin, ils sont joués un peu partout, donc voilà, à un moment donné, il faut diviser les côtés drogués et le côté comment on fait la façon de traiter les groupes. Quoi. Est-ce que tenir 10 minutes sur du punk alors qu'on est parti sur du Muse à la base, c'est punk ça C'est incroyable, non, n'importe quel sujet... On va finir sur du punk, c'est sûr. Oh, c'est clair. On va finir sur du punk. Excusez-moi, messieurs, on va peut-être garder ce débat pour une autre fois. Pour l'instant, on est sur les présentations. On va continuer avec Seb. Seb, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Ah, genre, je peux même pas dire un mot sur Muse, quoi. C'est Tu peux dire un mot sur Muse, bien sûr. Bah, parce que justement, j'étais d'accord avec toi. Pour moi, cet album de Muse, c'est... pour moi, le meilleur album dans son ensemble qu'ils ont fait avant de partir sur des albums où il y avait vraiment des morceaux sympas, mais l'album dans l'ensemble était moyen, quoi. Enfin, il y avait du bien. Il y avait du apprendre à laisser, voilà. Et puis j'avais une petite anecdote par rapport à cet album. Moi, je l'ai découvert avec le morceau Bliss. Et quand tu parlais tout à l'heure qu'ils l'ont fait sous Champy, ça m'a fait me rappeler... Putain, ouais, quand je l'ai découvert, moi, j'étais soirée lycéenne, je crois que je devais avoir 17 ans, un truc comme ça, à moitié bourré, voire plus que ça, quoi. Et quand le morceau est arrivé, en fait, il m'a emporté dans ce délire de un peu psychédélique et tout le bordel. Et j'ai passé un putain de moment à écouter ce morceau bourré, parce qu'il m'a entraîné. Donc, il y a peut-être moyen que, ouais, que ça soit vrai. Enfin, je sais pas qu'il l'ait fait sous champi, mais ça y ressemble en tout cas. Voilà, ça y ressemble. Et moi, ça m'a bien amené. Et c'est comme ça, du coup, qu'après, j'ai découvert Muse et que j'ai écouté leur album et tout le bordel. Donc, j'en ai un super bon souvenir, quoi. Et bon, je suis pas punk, ok, voilà, mais moi en tant que plutôt rocker, quoi, j'adore cet album et j'adore ce que fait Muse, quoi. Ah, c'est un excellent album, ouais, pour le coup. Voilà. Ils sont vraiment allés. J'ai l'impression que c'est une espèce d'extension du premier, mais en plus débile, quoi. En plus, on s'en fout, on y va à fond. Ouais, il y a moyen aussi que ça soit aussi dans l'idée, parce que ça arrive souvent quand les groupes ils viennent se faire signer, ils ont sorti leur premier album, deuxième album, ils sont sérieux, tirés à quatre épingles parce qu'ils veulent jouer le jeu de la maison de disques et ils veulent vraiment y arriver. Puis quand t'arrives au troisième album, c'est bon, là tu peux plus te lâcher, faire vraiment ce que tu kiffes ou quoi, parce que ça y est, là, je veux dire, la route est tracée, les rails sont posés et là tu peux kiffer et voilà, quoi. Mais je l'ai senti aussi comme ça un peu cet album, moi, personnellement. Mais ouais, c'est vrai qu'on sent. On sent que les mecs ils maîtrisent déjà ce qu'ils font et ils vont encore plus loin. Ouais. Histoire de vraiment aller jusqu'au bout de leur concept. Et là, le troisième, c'est encore. Ça reste du Muse. Mais c'est quand même un peu plus lourd, c'est quand même plus, même plus grandiose, moins rock, mais plus grandiose. Ouais, ouais. Wow. C'est-à-dire là, moi, à partir du troisième, pour moi, j'ai l'impression que ça y est, les bases sont établies, ils sont connus, et du coup, la maison de disques leur lâche la bride, parce que ça y est, ils savent que ça marche et que ça rapporte de l'argent, quoi. Et que du coup, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, et c'est à ce moment-là aussi que, pour moi, ça devient un peu... comme une boîte à gants, un peu tout et n'importe quoi. Et les albums, ils sont moins bons dans l'ensemble. Il y a des très bons morceaux, il y en a d'autres qui sont moyens, mais ça reste quand même du bon Muse, faut avouer. Mais je trouve que la cohérence générale d'un album, c'est un peu perdu, quoi. Et si vous voulez écouter ce que donne Muse au travers son histoire, sachez que j'ai fait une émission il y a quoi, une semaine, deux semaines, qui s'appelle Chronobio sur Muse, qui retrace donc l'histoire de Muse à travers ses chansons chronologiquement du premier au dernier album, et que vous pouvez retrouver sur archive.org en tapant Radio No Culture. Est-ce qu'on passerait à ta chanson ? Ah, avec plaisir. Seb, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors moi, j'ai choisi un morceau de Led Zeppelin qui s'appelle When the Levee Breaks. Parce que j'ai grandi avec ça, c'est ça qui a fait une grosse partie de ma culture musicale et du fait que je sois aussi devenu batteur. D'accord, rien que ça. Rien que ça. Vous allez entendre juste à l'intro du morceau, vous allez comprendre pourquoi. Ok, on écoute ça et puis on en parle après. We'll be right back. Led Zeppelin sur l'album, je vois, hein, sur l'album Mothership, When the Levee Breaks. Je traite ça super que ça en anglais. Donc, Seb, c'est ton choix. Non, je trouve ça va. Je trouve ça va. Au bout de cette émission, cette intro, ça va. Je tiens à vous dire quand même que Matine articule beaucoup mieux à la radio qu'en vrai. Et c'est là, vrai. On voit le vrai Matine quand il articule absolument pas. C'est vrai. Et qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est vrai, c'est mal. Ça, c'est le vrai Matine. C'est malheureusement très, très vrai. Donc, tu as commencé. Donc, c'est cette chanson-là, cet album, ou ce groupe en tout cas, qui t'a fait aimer la musique peut-être, la batterie en particulier. Alors, aimer la musique, non, parce que en fait, mon père, qui est un gros fan de ce genre de musique, en passait régulièrement à la maison. C'était l'époque des vinyles, la bonne époque des vinyles. Ouais. Non, cette chanson-là en particulier a confirmé mon envie d'être batteur et de faire la batterie. Et pour la petite histoire, je voulais vous raconter comment je suis arrivé à devenir batteur. Mm-hmm. C'est assez original. On était un groupe de copains à l'école primaire, genre CM1, CM2, tu vois, début 90-91. Et on écoutait tous, à l'époque, il y avait du Toto, on écoutait du Guns N' Roses, ACDC, des trucs comme ça. Et on se dit dans la cour de récré, ouais, on va monter un groupe de rock. Puis j'ai un pote. Là, on l'a pas fait, moi aussi, voilà. Vous l'avez fait, les deux, non? Oshka, toi, tu l'as fait. Michel, t'as pas monté un groupe de rock en primaire? Non, non, mais attends, mais nous. On a critiqué le rock, mais. Ta vie est nulle. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'aucun de nous n'était musicien. Et là, il y a un gars, là, on était, je sais pas, 4-5 là, et puis il y a un gars qui nous désigne les uns après les autres en disant toi tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. Il arrive à moi, il dit toi tu seras batteur. Okay. Je suis rentré à la maison, je dis à ma mère je veux être batteur. Elle me dit ok. À la rentrée suivante, elle m'a inscrit en cours de batterie et je suis batteur depuis quoi. Voilà. Donc toi tu as vraiment. Ah, je l'ai fait au sérieux. Quoi. Parce que moi j'étais bassiste dans mon groupe en primaire. D'accord. Moi on avait un chanteur, un gratteux et un batteur. Moi j'étais bassiste, évidemment je ne me suis jamais mis à la basse. Ouais. Parce que bon, arrivé à 4h30, ben, j'avais faim, j'ai mangé mon goûter. J'ai oublié. Mais toi, tu l'as vraiment fait, quoi. Ah ouais, ouais, moi je l'ai vraiment concrétisé le groupe de primaire. Ouais, ouais, parce qu'on était une bande de potes, on se retrouvait les uns les autres, on écoutait du son ou quoi, et bah, tu vois, à 9-10 ans, hein, on était déjà à fond, quoi. Et moi, je l'ai pris au sérieux, je dis, maman, je vais prendre des cours de batterie, elle m'a dit, ok, elle m'a inscrit, et depuis, j'ai pas décollé, quoi. J'ai commencé à 11 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, et je fais de la batterie depuis, quoi. C'est voilà. Trop bien. Ben ouais. Et ouais. Ben, Led Zepp, évidemment, après, parce que John Bonham, l'un des meilleurs batteurs du monde. Et voilà, tu peux pas passer à côté, quoi. Mmh. Donc du coup, pour devenir batteur, on écoute Led Zeppelin, et quand t'écouteras les Sex Pistols, tu deviendras bon batteur. C'est une blague. C'est quoi cette façon de toujours tout ramener aux Sex Pistols? Qu'est-ce que t'as un traumatisme d'enfance avec eux, trop ça. Non. Je tiens à rebondir. Moi, j'ai ma belle-fille du coup qui est en CM1 et qui monte un groupe de rock. Et elle est au clavier. Donc j'ai essayé de lui expliquer que bon, le clavier c'était pas non plus dans le métal, il y a beaucoup de claviers. Si c'est bien fait, c'est bien. Bah Muse qu'on a écouté jusqu'à maintenant, il y a énormément de claviers. Et c'est ce qui fait d'ailleurs une grosse partie de leur univers, quoi. Tout à fait. Oui, mais tu sais ce que je pense de Muse. Mais si on devait se fier à toi, on écouterait la Poya tous les jours non-stop. Non, il y aurait Radio La Poya, la seule radio du monde, Radio La Poya, et puis voilà. Et ça les ferait de bien, hein, parce qu'il y avait du sang, il y avait des paroles. Franchement, il y en a tout ce qu'il faut. Hein. On va pas faire. Pour revenir sur le punk. Pour une bonne éducation, il y a tout ce qu'il faut. Comment vous avez connu Led Zeppelin, vous? Alors, moi, Led Zeppelin, je connaissais de nom, j'avais écouté. Alors, j'ai connu beaucoup de Led Zeppelin sur les pubs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs qui utilisent Led Zeppelin. Moi, je voulais en venir là aussi, ouais. Et donc, du coup, j'ai connu Led Zeppelin par les pubs. Et puis, bon, en étant quand même amateur de musique, je connaissais un petit peu Led Zeppelin. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien écouter. Et j'ai connu un peu mieux Led Zeppelin parce que j'ai regardé une série qui s'appelle Vinyl, qui a été faite par donc c'est en réalisation Francis Ford Coppola, je crois. Non, Scorsese, non. C'est Scorsese. Scorsese, Mick Jagger. Voilà. Wow, ouais, Jagger. C'est ça. Et le premier épisode était un chef-d'œuvre parce qu'il dure 2 heures à peu près. Et bon, ils finissent par les New York Dolls. Mm-hmm. Que tu aimes bien. Que j'adore, les New York Dolls. J'ai eu cette image. New York Dolls, pour nos auditeurs, le New York Dolls, c'est ce qu'on pourrait appeler du proto-punk. C'est ce qui est arrivé juste avant qu'on définisse un peu le punk. Justement, quand les Zeppelin s'est fini, parce que tout le monde en avait marre, forcément, ils sont arrivés avec un gros rock'n'roll sauvage, avec des solos à Chuck Berry, surtout en grosse image de. glam, tu vois. Tu parles que des New Yorkers? New Yorkers, oui. Exactement. Non, mais les Zeppelin, c'est les années 70. Les New Yorkers, c'était là avant. 73. Les Zeppelin, tu veux dire? Non, les. Ah, New Yorkers, c'était après. Mais les Zeppelin, ça a commencé en 70. Les New Yorkers, c'est après les Zeppelin. Oui, peut-être, mais ça a commencé en 70. Ils sont, et je crois qu'il est John Bonham, le batteur, donc, est mort en 84, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'ai plus la date. Je crois, donc les gens n'avaient pas encore marre. Les Zeppelin, il avait. De toute façon, il y avait pas mal d'images, des sons qui étaient faits avant. À la les Zeppelin, voilà, les gens ils pouvaient plus, tu vois, donc il y avait des gens les qui voulaient gens, faire les sales punks, les gens, ouais, non, tous les vrais gens, ça, il hein. Faut pas être un punk pour mais les rock sauvages, tu vois, les Zeppelin c'est sauvage. Quand c'est qu'en 70 c'est les Beatles qui s'arrêtent, il y a quand même une étape entre les Beatles et les Zeppelin, et pourtant il y a que 10 ans entre les deux, entre la création des groupes. Il y a quand même une sacrée étape entre les deux. C'est compliqué à dire parce que les Beatles, forcément, ils ont duré pas mal de temps. Pareil, 10 ans, les Beatles. Et puis c'était très sauvage, les Zeppelin, quand c'est arrivé. Voilà, ouais. par rapport aux Beatles, en termes de son, musicalement. Non, mais je suis d'accord, c'était furieux à l'époque, les Zeppelin, par rapport à un groupe comme les Beatles qui était en tête de tous les charts, qui a été presque remplacé par les Beatles dans les groupes auxquels on pense des années. Les années 60, c'est les Beatles, les années 70, c'est les Zeppelin. Mais dans les années 70, de 70 à 75, on est très vite monté dans la sauvagerie, je pense, parce que t'as Led Zeppelin, t'as Iggy Pop, t'as les MC5, t'as tout ça qui arrive en même temps, et tous y mettent le curseur un petit peu plus haut sur la sauvagerie, et puis après il y a les Sex Pistols qui arrivent et qui créent le punk, mais le punk était là déjà avant les Sex Pistols, parce que c'est eux qui les ont créés, parce que la sauvagerie était là avant les Sex Pistols. C'est vrai, et début 80 il y avait déjà des groupes de métal très violents, il y avait Motorhead, Sepultura, pas très loin derrière, ah bah là, tu vois, loin, c'est vrai qu'en 20 ans on est passé quand même en 20 ans des Beatles à Sepultura, quoi. Et on appelait pas ça les groupes de métal, mais les groupes de hard rock. Oui, c'est vrai que c'est les groupes de hard rock. C'est du hard rock. Ouais. Parce que t'as eu le hard rock, le heavy metal et le metal. Mmh. T'as eu le hard rock, le heavy et le metal. C'est vrai. perso, comme tu disais, les Led Zeppelin, c'est vrai que j'ai été étonné. Moi, j'ai découvert ça au lycée. Enfin, découvert, c'est un grand mot, évidemment, que je connaissais. C'était un des groupes, tu disais, en tant qu'amateur de musique, il faut que tu connaisses, mais moi, dans ma tête, il y avait 27 albums, 450 chansons. Non. Dur rentrer dans. Alors, finalement, pas en vrai, non, pas tant que ça. Il y a quoi, 5 albums, je crois, quelque chose comme ça, 6 ou peut-être. 7, mais pas plus, ouais. Et moi, j'étais étonné quand j'ai commencé à écouter sous l'impulsion d'un copain du lycée. Ben, en fait, je connaissais déjà tout. Toutes les chansons connues ont été utilisées 1000 fois partout ailleurs. Tout le monde connaît déjà énormément à la radio aussi, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, on écoutait beaucoup plus la radio qu'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ça passe beaucoup la radio vu la longueur de leurs chansons. Par contre, elle a été utilisée dans le marketing énormément. Il y en a de très courtes aussi. Hein. Une préférée. Sur la radio, moi, j'avais jamais trop écouté à la radio. Si la radio, et ça passe encore aujourd'hui à la radio. Donc. Peut-être en version raccourcie, soit dit, radio les oui, il y avait des radios édites, évidemment. Ouais. Il y avait les radios libres à l'époque, les radios pirates plutôt, avant les radios libres. Comment on espère que ça sera ça, la boîte à gants, radio libre. Peut-être, mais écoute. Ce qu'on pensait, on pouvait fumer dans le studio, mais au final, on ne peut pas. Mais voilà, on ne peut pas. Non, on ne fume pas dans mon studio, on est dans mon studio à moi. On le drogue, l'alcool. C'est moi que je l'ai monté, vous ne fumez pas dans mon studio. Il ne manquerait plus qu'il n'y ait plus de putes. Je plaisante. Voilà, ça c'est Michel T, toujours besoin d'aller plus loin dans la vanne. C'est côté punk, ça. Ouais, ou même rock, hein, parce qu'on parlait justement, tu vois, finalement les rock, autant que les punks, c'est des choses qui vont au-delà de ça, tu vois. Au-delà des mers, au-delà de. Cela dit, si vous voulez qu'on mette une claque à Bichenter, envoyez-nous un mail. Et vous écrivez une claque pour Bichenter et on le fera pas en direct forcément, mais on le fera live. On le fera de façon. Je vais écouter les claques, voilà. Auditrice, auditoire. Auditive. Auditive, voilà. Ouais. Bon, donc vous entendrez Bichenter se faire claquer la tête et je vous promets qu'on le fera vraiment. Si Mathilde n'oublie pas d'enregistrer. Voilà, double claque. Bien, ça c'est bien. C'est bon, ça. Mets une bonne claque à Mathilde. On était donc sur Led Zeppelin. Donc ça, évidemment, ce n'était pas une vraie, mais vous verrez, quand ça sera une vraie, on ne vous mentira pas. Parce qu'on ne ment pas ici, dans la boîte à gants. When the Levy Breaks de Led Zeppelin. On va passer à toi, Oscar. Ouais, toi, guitariste, c'est... qu'est-ce que tu as choisi comme morceau ? Guitariste ou musicien, moi j'aime bien John Sanders, parce que j'adore sa façon de faire. John Sanders, qu'on rappelle, qui c'est ? John Sanders, c'est un petit bonhomme qui a grandi à New York, qui a fait partie des Nurdles. Mm-hmm. Après, il a fait des morceaux tout seul, surtout un des grands disques dans l'histoire, vachement oublié, qui s'appelle So Alone. Mais un gars qui, avec moins de choses, il a fait des grandes sons, quoi. Moins de choses, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, moins de choses ? Moins de ça moyens. Veut dire, pas de pédales, un ampli, une guitare, c'est tout, tu vois. Est-ce que c'était un bon guitariste ou est-ce que c'était un bon musicien ? Il était un bon artiste, ça veut dire. Voilà. Pas de technique. C'est-à-dire qu'il était pas très bon, mais on s'en fout, on voilà. fait quand même. Et ça rejoint l'esprit punk. Donc, du coup, avec les pecs qu'il connaissait, il a fait vraiment des choses qui restaient dans l'histoire, en fait. Parce que New York Dolls, je rappelle, donc proto-punk. Voilà. C'est un peu ce qui est arrivé juste avant Sex Pistols. Excellent. Et on considère. Avant, Mathieu. Oui, juste avant. Oui, j'ai dit juste avant Sex Pistols. C'était du proto-punk. C'était du rock sauvage. Est-ce qu'on considère que les Sex Pistols, c'est les premiers punks ? Est-ce que le punk commence aux Sex Pistols ? Alors, non. Dans l'histoire, pour oui. Pour faire simple. Mais. Dans les faits, non. Mais pour faire simple, pour caricaturer, pour simplifier. Alors, on va dire que le punk commence là. Par exemple, les Ramones, qui est considéré comme groupe punk, étaient là avant les. D'accord. Alors, avant les Ramones, je crois pas qu'il y ait eu de groupe qui était considéré comme punk. Mais les Ramones, ça a été le premier groupe qui a été considéré comme punk. Mais je pense pas qu'au début, quand ils ont commencé... Les Ramones, ils sont pourtant américains. Oui. Toi, tu me disais que le punk était anglais. Oui. Ah mais... ah. Non, mais parce que j'aime le punk anglais. Mais je préfère largement le punk anglais que les Ramones. J'aime bien les Ramones, mais je préfère le punk anglais en général, oui. Donc Johnny Thunders, qui n'est pas son vrai nom. Si je peux sur Johnny Sanders, Johnny Sanders a quand même un son de guitare qui n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire que quand il joue, on reconnaît de suite que c'est Johnny Sanders. On l'entendra là, ce son de guitare, Oshka ? Sûrement, ouais. Sûrement. Tout ce qu'il a fait, c'était vraiment bien marqué. C'est une signature qu'on ne peut pas rater. En fait. On peut reconnaître de suite quand c'est Johnny Sanders. Je sais. Alors, moi qui ne suis pas musicien, je ne sais pas comment ça se fait qu'il arrive à avoir ce son de guitare propre à lui. D'accord. Mais Oshka, mais... toi qui es guitariste, tu nous le diras peut-être après. Si, mais il n'y a que lui qui arrive à faire ce son-là de guitare. Au-delà de la technique, il y a un savoir-faire, en fait. C'est un artiste accompli. On ne va pas dire que c'est un Van Gogh, mais c'était presque un Picasso. Donc, Johnny Thunders, Born to Lose. Born to Lose. Pourquoi cette chanson en particulier, du coup ? Parce que ça rejoint vraiment l'état d'esprit de tous les punks de l'époque. On est tous nés pour perdre, donc on est chômage, on a rien à faire, mais on va faire quelque chose quand même, tu vois. Est-ce que c'est quoi l'année de sortie de cette chanson ? Est-ce que tu sais à peu près justement, c'est l'état d'esprit de... Fin 70, 1970, comme ça ? Non, un peu plus tard, peut-être ? Moi, je dirais 78, Born to Lose. 78, parce que les New York Dolls sont arrêtés, il est arrivé au Royaume-Uni, donc avec Nancy Spungen dans ses valises, qui a rencontré les Sidious. Et juste après, il sort son premier album solo, où il y a Born to Lose, et il me semble que c'est 78, parce que c'est 77 le premier album des Sex Pistols, et il me semble que c'est 78 l'album de Johnny Sanders qui est avec les Heartbreakers. Sur lequel on retrouve du coup Born to Lose. C'est après, exactement, voilà. 78, 79, ouais, voilà. Pour moi, c'est ça. Exactement. Fin 70, mais c'est surtout l'état d'esprit. On aime bien la loose. Quoi ? Je vois. On pourra résister ça, quoi. Born to Lose de Johnny Thunders. C'est pas son vrai prénom, j'imagine. Thunder, c'est quoi ? C'est les éclairs ? Non, c'est l'orage. Ouais, c'est ça, ouais. Le je sais plus exactement, l'orage, le tonnerre, je crois. Moi, la boya, c'est facile à faire, ce que c'est. La tonnerre. Johnny Trueno en espagnol. Thunder, c'est tonnerre, je crois. Exactement. Parce tonnerre, que... je crois que c'est ça. Bref, on écoute Johnny Thunders avec Born to Lose, c'est parti. We'll be right back. Born to Lose par Johnny Thunders. Donc c'est Oshka, toi, qui a choisi cette chanson. J'adore. T'adore. Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant, cette chanson, finalement? J'aime bien parce que c'était un mec qui était parti pour rien faire. Finalement, il a mis son nom dans l'histoire en faisant ce qu'on aime bien, tu vois, quelque chose de rock, de débridé, mm-hmm. punk, si on aime bien. Si un type peut nous dire, tu vois. Ouais, justement, parce que j'ai pas trouvé ça très punk, moi j'ai trouvé ça plutôt rock. Justement, voilà, il écoutait des Shangri-La, il écoutait pas mal de rock des années 50, et à partir de là, il a ramené quelque chose de vraiment péchu qui a amené les punks à revenir sur ce type de choses débridées, tu vois. D'accord. Débridées, débridées dans tous les sens, ou dans les sens techniques de la guitare, donc la chauperie, et aussi dans ses côtés. Comment dire, sexuel, drogué, voilà, des choses vraiment de la rue, du quartier, tu vois. Bon, on va passer sur ta chanson, Vicente. Oui, bien sûr. Toi, tu es le dernier donc, des quatre à choisir pour cette fois la chanson. Comme par hasard, c'est toi qui as choisi d'avoir le micro rouge. Et le fait est que, dans le sens chronologique de l'horloge du choix, tu es donc le dernier. Je ne sais pas où j'ai cette phrase. Où tu vas, Mathieu? Donc c'est toi qui as choisi ce micro, donc c'est toi qui as choisi en dernier ta chanson, et tu as choisi Cicatrice. Est-ce que je le prononce bien? Oshka, est-ce que je le prononce bien? Cicatrice. Oshka sera mieux que moi. Cicatrice. Et la matrice. C'est pas mal. Cicatrice. Pour la petite anecdote, en fait, c'est un groupe qui s'est formé dans un pavillon cicatrique. D'accord. Et au début, ça s'appelait Cicatrice et la matrice. Donc cicatrice la cicatrice dans la matrice, matrice dans l'utérus, de maman, quoi. Parce qu'il y avait une fille qui chantait, et finalement, quand elle est partie, voilà, c'était cicatrice. C'est ça. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Mais parce que, si tu veux, Matine, cette chanson fait partie totalement de mon... J'ai appris le punk avec cette chanson, parce que tu es témoin que toute charanga qui serait électro-charanga et tout groupe de reprise au Pays Basque joue cette chanson-là. Alors, je vais préciser parce que je te rappelle qu'on est diffusé à Bordeaux. Charanga, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est une charanga? C'est un groupe de musique itinérant. Ouais. Électro-charanga, c'est quelque chose qui est itinérant, mais qui a un ampli en plus. Qui a un ampli en plus, et donc du coup, qui joue du punk et du rock, et beaucoup de punk du coup au Pays Basque. Beaucoup de ska aussi. Mais pour ça, je vous conseille d'écouter notre émission qu'on avait fait sur le rock radical basque. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Sur le rock radical basque. Et donc, du coup, Long Cicatrice fait partie. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est une des premières chansons que j'ai écoutées quand je commençais à faire la fête, et j'aimais beaucoup. Et voilà, et donc du coup, j'ai décidé après de me trouver une copine qui s'appelait comme le nom de cette chanson. Donc du coup, voilà. Non. Ma copine s'appelle Lola, ça tombe bien. Elle va apprécier le fait de passer en second. Non. J'espère pour toi qu'elle n'écoutera jamais cette émission. J'ai demandé le nom de la chanson, mais je pense qu'on a tous compris en fait. Non. Lola. Mais elle est contente qu'elle soit assimilée à cette chanson plus que la nouvelle chanson qui fait fureur pendant les fêtes de Bayonne. J'ai pas du tout entendu ce truc. Tu es le seul qui a entendu ça. Oui, mais moi je vais dans les endroits populaires. Vous restez dans votre petit rock populaire. Moi, j'étais en festival de jazz, on peut pas être partout. Exact. On va en parler une fois d'ailleurs. Jazz et Martiac, c'est ça? C'est ça. On va en parler une fois. Avec plaisir. Pour aujourd'hui, pas la prochaine fois non plus, parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Mais une fois, on va en parler un jour de ce festival. Avec plaisir. Donc, Cicatrice, Lola. Lola, quelle année ça à peu près? Moi, il me semble que c'est 83. 83, oui, je suis pas sûr. Ah, je pensais que c'était plus récent que ça, tu vois. 83 ou 87. DBD 83. Total au hasard. ça fait pas entrer dedans, en tout cas. Wikipédia, elle va nous éclairer, mais c'est que le chanteur nous, est mort en 4. Je crois que le chanteur est mort en 94 du sida, mais. D'accord. C'est bon, c'est réjouissant. Parce que vraiment, les cicatrices, ils sont tous partis d'un hôpital psychiatrique et ils sont tous tombés petit à petit. Jusqu'à la fin. Et c'est très marrant parce que quand tu regardes les vidéos de l'époque, le chanteur a une casquette plate. Comment c'est une casquette plate? C'est-à-dire les casquettes comme beaucoup de gens ont maintenant des casquettes toutes plates. Ah, la visière plate. La visière toute plate. Et à l'époque, j'ai jamais vu personne avec ces casquettes-là. Et lui a une casquette plate. Tu veux dire et qu'il avait 40 ans d'avance? Ben je me dis. T'es en train de dire ça, Michel, en fait. C'était un devin. Est-ce que s'il n'était pas devin? Moi, j'aimerais bien devenir devin. On va écouter Cicatrice avec la chanson Lola. C'est la chanson choisie par Bichente pour cette émission. Cicatrice avec Lola, qui est donc le choix de Bichente. Bichente, est-ce que tu es avec nous? Oui. Est-ce que tu es avec nous? Tu as vu la liaison? Est-ce que tu es avec nous, évidemment? Donc, cette chanson, qui est vraie, est beaucoup, beaucoup jouée ici au Pays Basque par les après Tchalanga, alors qu'elle a quoi, 40 ans? Ouais, ouais, à peu près. Pourrais passer à autre chose, non? Tu crois pas? Non. Non, non, non. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien que... Mais, c'est-à-dire que le Pays Basque est très très punk en général, très rock, très punk. C'est vrai que on a, il y a si on prend la France par exemple, il y a pas beaucoup de régions je pense où le punk est aussi représenté qu'au Pays Basque. Et pour dire vrai, moi j'ai changé de boulot il y a pas longtemps, j'ai de nouveaux collègues qui viennent pas du Pays Basque qui travaillent au Pays Basque. Ouais. Et dont un qui adore la musique. Et qui me disait, il va dans les fêtes de village, il écoute beaucoup de musique basque. Et il me dit, mais vous avez un vivier musical qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est vrai que lui, il adore tout ce qui est ska. Alors, il adore des choses que j'aime moins au Pays Basque. Mais, ah ben, le ska, c'est parce qu'il manque ici, mais il adore venir écouter la musique ici et venir dans les concerts et il découvre des choses. Et il me dit, mais chez nous, il n'y a que des DJ qui passent les années 80. Alors que vous, ici, vous avez toujours une scène, un groupe, et vous écoutez encore du rock, du punk, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux. C'est-à-dire que même si c'est pas cicatrice, j'aimerais bien quand même que ça continue à ce qu'il y ait une scène et qu'il y ait quand même des vrais musiciens plutôt qu'un DJ qui passe les lacs du Connemara de l'autre connard de Sardou, quoi. Au Calogero, Ah, je te comprends tellement. Moi, c'est ce qui m'a plu quand Mathilde m'a invité pour mon première soirée en Gastetche. Les deux. Ouais, ouais. Normalement, c'est Gastetche, mais vu qu'on est des gros feignants linguistiquement, Gastetche. Gastetche, voilà. Et en fait, je suis arrivé, il y avait une scène, et je sais pas, j'ai vu trois groupes s'enchaîner, c'était du rock, du punk ou quoi. J'ai fait, putain, mais c'est génial, quoi. Et il m'a dit, mais c'est tout le temps comme ça. Ah oui. Mais ça, c'est super, quoi. C'est génial. Et en même temps, si c'était pas comme ça, on n'irait pas, ça serait mort. Comme ailleurs, finalement, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, si les gens se bougeaient le cul à faire venir juste un ou deux groupes. Ouais, c'est clair. Peut-être que ça vivra encore. Et pas que ça. Minimum, voir les artistes, les groupes, comme tu disais avant-hier, qu'il faut qu'ils gagnent son pain, tu vois. Donc, mettre un peu d'argent, tu vois. C'était quelque chose, tu vois. J'ai parlé avec pas mal de groupes de Madrid, d'un peu partout, qu'il ne peut pas se produire chez eux, parce que ce n'est pas payé, etc. Ouais. Et venir ici et voir que en fait, les groupes, les gens, ils sont bien représentés, tu vois, ils sont bien accueillis, ils sont déjà payés. Parce que toi, Oscar, tu viens d'Andalousie, c'est pas comme ça là-bas? Je viens d'Andalousie, tu vois. C'est pas comme ça là-bas? Non, du tout. Déjà, chez nous... Pourtant, il y a quand même une grosse culture alternative, punk, rock, tout ça, en Andalousie aussi, bien non sûr, voilà. Et même au niveau éthique et tout ça, tu vois. Mais on ne touche pas d'argent. On fait ça pour les fans, parce qu'il voilà, faut le faire, pour les trucs anarchistes, machin, social, squat, etc. Mais on n'est pas considéré en tant que musicien. C'est pas viable, quoi. Non, tu ne peux pas vivre de ça, tu vois. Tu touches rien, tu fais rien, quoi. Ici... n'importe quel groupe, voilà, il est un minimum représenté, tu vois. C'est bien, tu vois, c'est une espèce de... Tu te sens représenté, tu vois, tu te sens accueilli. Ouais, c'est plus favorable déjà, ça donne plus envie de jouer, il y a plus de reconnaissance, tu veux dire, ça, peut-être. Déjà, c'est ça, quoi. Mais après, moi, je pense que aussi, ils sont représentés parce qu'ils sont écoutés. Et quand on avait fait l'émission sur le rock radical basque, il y avait énormément de groupes qui font partie du rock radical basque, qui chantaient en espagnol, dont par exemple La Polla qui vient de... le chanteur Ebaristo qui vient de Galice, qui est venu ici et qui s'est senti accueilli, je pense, comme jamais, parce qu'il avait une écoute. Et je pense que le Pays basque est une terre rock et punk un peu plus que tout le reste, alors moi je connais plus côté français, mais en Espagne, je sais pas, il doit y avoir une culture, mais au Pays Basque, quand il y a un concert rock ou punk, tu sais que tu vas faire le plein quand tu vas jouer dans des petites fêtes de village. Moi, je sais que mon oncle qui adore la polla, il allait voir dans des tout petits villages au Pays Basque qui faisaient peut-être 1000 entrées à l'époque. 1000 entrées, c'est beaucoup, hein. 1000 entrées, c'est beaucoup. Ouais, mais donc, rappelle-toi quand la polla, il ne faisait rien du tout, tu vois. Donc, du coup, il s'allait dans des villages et il n'y a personne, tu vois. Oui. Donc, du coup, ils ont appris par rapport à ça et c'est ça qu'a découvert au reste des groupes, tu vois, pour venir et faire des concerts plus professionnels, quoi. Oui, oui. C'est encore plus difficile parce qu'ici, au moins, on te paye avec quelque chose, tu vois. On te paye avec... je sais pas, de l'alcool, on te paye avec... Mais on te paye parce qu'il y a du monde devant le concert aussi. Ouais, mais parce que aussi les musiciens, il est bien accueilli et bien représenté, tu vois. Tu fais un métier. Finalement, c'est un cercle vertueux. Les gens viennent parce que les groupes sont bons, mais les groupes sont bons parce que les gens viennent. Et pas ça, pour moi, les groupes, ils sont bien accueillis dans le sens qu'ils sont des artistes, en fait. Chez nous, c'est comme moins que rien, en fait. Tu vois, donc ils sont même pas payés parce que ce qu'ils font ne vaut même pas la peine de exactement d'être payés. Et mais... si, oui. Ouais, c'est l'histoire de mentalité, quoi. Vous, vous êtes tous exactement. Musiciens, ouais. Mais par exemple, moi qui suis juste devant la scène, audiophile. Et au final, je me sens autant important que celui qui est sur la scène. Parce que si moi j'existais pas devant la scène, il y aurait pas de groupe. Ah, mais ouais, ça va dans les deux sens, quoi. Bien sûr, ouais, exactement. Le public n'existe pas, t'as pas de groupe. T'as pas de groupe, y a pas de public. Je suis même resté devant des concerts de merde. Hein. Ouais. Bien sûr, mais. Il faut savoir que les groupes locaux, voilà, ils peuvent jouer ici avec son matos, etc. Et s'épanouir autant qu'ils veulent. Mais les gens qui viennent de loin, tu vois. Oui. Bah, tu vois, il faut bouger, il faut payer, tu vois, passer la nuit, il faut mettre de l'essence, tu vois, ça fait un petit budget quand même, tu vois. Oui, donc, non, mais c'est sûr. Là, ici, c'est bien, bien conscient, les gens, et ils sont bien représentés, quoi, les gens, ils le savent, tu vois. Donc, ils sont payés pourtant, ils sont bien accueillis, quoi. Sinon, c'est que dalle, tu vois, genre, il y a des groupes qu'ils payent, en fait. Pour jouer. Et c'est ça qui est minable. C'est vrai qu'ici, c'est impensable de payer pour jouer. Voilà. Oh. Et chez nous, c'est courant, en fait. Mmh. Messieurs, on avait prévu, alors, chers auditeurs et auditrices, on a prévu chacun de proposer deux chansons pour se présenter. Il se trouve que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et on n'a passé qu'une chanson. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de faire une seconde émission pour la prochaine fois. Et que on va continuer à se présenter la prochaine fois avec des choses un peu pour moins classiques, un peu plus qui sortent un peu plus de la norme pour des rockers punk que nous sommes. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, carrément. Moi, ça me va, même si on va pas trop sortir du. Ouais, nickel, parce que. Ah, si, t'as pas le choix. Bien sûr. Si, moi, ça va. Alors, vous avez l'impression que ça va être sorti, que je vais sortir du sujet, mais pour moi, je vais y rester. Ouais. Bien, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour la seconde du coup émission la seconde émission de la boîte à gants. J'aime beaucoup ce nom, c'est toi qui l'as sorti, Vicente. C'est moi qui l'ai en partie trouvé. C'est très bien, je suis très fier de toi. Mais c'est vraiment punk, c'est un travail d'équipe. Une équipe nulle, mais c'est un travail d'équipe. Eh bien, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois dans La Boîte à Gants, épisode 2, pour un peu plus de présentation. Salut !